France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'énigme Mathilde Carré, alias la chatte. Elle a été institutrice, infirmière, mariée puis veuve, espionne et résistante. À partir de rien, elle monte l'un des plus importants réseaux de communication du début de la Seconde Guerre mondiale. Puis traîtresse, maîtresse de son joli allemand, elle fera déporter et tuer des dizaines de personnes avant de retourner une nouvelle fois sa veste en faveur des Anglais. Et ça, avant ses 35 ans. Elle est, sans l'ombre d'un doute, l'un des personnages les plus redoutables et les plus intrigants du monde de l'espionnage entre 1939 et 1945. Elle a menti, trahi autant qu'elle a aimé et qu'elle s'est engagée. On l'a appelée Lily, Victoire, Madame de Roche, Micheline Donadieu, mais c'est sous le nom de code de la chatte que l'histoire retiendra l'énigmatique personnage Mathilde Carré. Mais pourquoi une héroïne de la Résistance se transforme-t-elle en collabo forcené ? À qui est-on fidèle, finalement? Sur quoi repose la loyauté? Et pourquoi trahit-on? Autant de questions que nous poserons à notre invité, Jean-Christophe Nota, auteur du livre « Mathilde Carré, alias la chatte, de la résistance à la collaboration », paru en février 2022 aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proto, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Au début de l'année 49, s'ouvre à Paris l'un des procès les plus attendus de l'après-guerre. Mathilde Carré, 41 ans, alias la chatte, doit répondre de son implication dans l'arrestation d'une centaine de résistants et la déportation de 35 d'entre eux. Elle aurait déclaré à son avocat, Maître Nau, « Je n'ai dénoncé que les plus bêtes ». Enfin, c'est ce qui se dit dans la presse, qui piaffe d'impatience d'en faire la traîtresse dont le pays a besoin. Il est vrai qu'aussi traumatisée qu'embarrassée par les années de l'occupation, où chacun dévoile sa personnalité jusqu'au plus sombre d'elle-même, les Français ont besoin de symboles, de monstres à punir. Il s'agit d'expier, de purger la culpabilité. Et qui de mieux que Mathilde Carré pour incarner la figure du traître, pire, de la traîtresse? Une femme dangereuse, versatile et volatile comme de l'essence. Une femme qui a trompé la France et son mari. Voilà le portrait qu'on fait de la personne qui comparaît ce lundi 3 janvier 1949. Elle a trahi la France parce que c'est une amorale. Parce que c'est une femme sans scrupules. Parce qu'elle était le chef, elle porte des responsabilités écrasantes. Des jeunes gens actuellement à Fresnes ont trahi parce que celle en qui ils avaient placé leur confiance leur avait donné l'exemple. Ils sont devenus des criminels. Rien de ce qu'elle a fait en bien ne peut atténuer la rigueur de votre sanction. Je vous demande nettement la peine capitale, parce qu'à mes yeux, cette femme a touché le fond de la trahison. Mathilde Carré n'avait pas l'intention de faciliter la tâche de son avocat face à un jury largement composé d'anciens résistants. Vêtue d'un tailleur aussi noir que ses cheveux, toujours sa frange courte, son visage carré, ses yeux vert-gris, vifs, expressifs, elle est en colère. Et sa force de caractère s'est transformée en hargne, en mépris pour tous ceux qui s'aventureront à la juger. Elle qui dit alors ne reconnaître que l'autorité d'un tribunal militaire pour apprécier ses actes. Et quand s'enchaînent les témoins, et avec eux les preuves de sa collaboration avec l'ennemi allemand, elle hausse les épaules, lève les yeux au ciel, joue avec ses doigts en mâchant du chewing-gum. Cette désinvolture et cette morgue agressent, indignent le public, les juges, les jurés. Elle s'explique, mais elle ne s'excuse jamais. D'où la férocité du réquisitoire que vous venez d'entendre. Le fond de la trahison. Mathilde Carré ne réagit pas à ce réquisitoire. On vient de demander sa tête, elle reste de marbre. Par désinvolture, fierté, peut-être, allez savoir. Même après des jours de procès, cette femme reste une énigme. Ses motivations sont indéchiffrables. Le délibéré dure 1h40. Et alors que les jurés sont en train de décider si la tête de Mathilde Carré doit tomber, remontons un peu le temps pour tenter de découvrir ce que cache l'affaire Mathilde Carré. Mathilde Bellard, de son nom de jeune fille, est née en 1908 au Creusot. Son père, originaire du Jura, est ingénieur, une famille de classe moyenne de province. Mathilde est une jeune fille intelligente, dynamique, volontaire. En grandissant, elle devient une jeune femme pleine d'assurance, ambitieuse, séductrice. Elle étudie la philosophie et le droit à la Sorbonne. Mais elle s'ennuie, et elle a déjà des rêves d'ailleurs, d'aventure. Sauf que pour les femmes à cette époque, l'aventure, ça commence quand on part de chez ses parents. Et pour ça, il faut se marier, histoire de passer d'une autorité à l'autre. Il y a chez Mathilde quelque chose qui attire le regard, quelque chose de captivant, un goût du risque, une audace, comme chevillée au corps. Alors s'il lui faut un mari pour échapper du Creusot, elle le trouvera. Nous sommes en 1933, elle a 25 ans, et le hasard met sur sa route Maurice Carré, un jeune professeur. Elle l'aurait choisi en tirant à pile ou face, selon la rumeur. Ben, des rumeurs, s'agissant de Mathilde, il y en a tellement. Au début, elle est heureuse de ce mariage. Maurice n'a pas un caractère fort, il est plutôt du genre gentil, doux, qui s'efface un peu. Et puis, grâce à lui, elle est enfin partie du Creusot. Le jeune homme est muté en Algérie, pas très loin d'Oran, et emmène donc Mathilde avec lui, qui enseignera à ses côtés. Mais une fois le dépaysement passé, la routine revient. Les jours se suivent et se ressemblent comme un jour sans fin. Et rapidement, cette vie l'étouffe. Elle la trouve petite, cette vie, avec son petit professeur de mari, dans son petit milieu. Aucune flamboyance. Pas pour elle, tout ça. En vérité, ce qui va sauver cette Madame Bovary en puissance, c'est la guerre. Annoncé par le président Édouard Daladier aux Français le 4 septembre 1939. La France et l'Angleterre ont multiplié leurs efforts pour sauver la paix. Elles ont fait, ce matin encore, une pressante intervention à Berlin pour adresser au gouvernement allemand un dernier appel à la raison et lui demander l'arrêt des hostilités et l'ouverture de négociations pacifiques. L'Allemagne nous a opposé un refus. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposé. Chacun de nous est à son poste pour le salut de la patrie. Vive la France ! En 1939, Maurice Carré est appelé au front. Il part pour la Syrie. Elle dira... Mon mari, alors, était mort pour moi. Promesse tenue, il meurt réellement quelques années plus tard, en 1944, en Italie. Son mari au loin, au début, passé par pertes et profits à la fin, Mathilde entrevoit d'autres possibilités. Parce que sa vie va enfin changer. Parce que la guerre, c'est terrible, certes. Mais quand elle est une jeune femme en manque d'aventure, ça peut avoir ses avantages. L'ordre social est bouleversé, notamment pour les femmes qui gagnent en indépendance, en autonomie. En septembre 1939, Mathilde quitte donc Oran pour s'installer à Alger. Là, elle parvient à rencontrer, peut-être par hasard, peut-être pas, allez savoir, un officier du deuxième bureau, le service de renseignement du gouvernement français. Elle veut s'engager, oui, faire quelque chose. Surpris, l'officier, impressionné probablement par cette jeune femme à la détermination aussi trempée, la calme un peu. C'est qu'on ne s'improvise pas espionne comme ça, d'un claquement de doigts. Mais quand même, elle est persuasive. Alors il lui conseille la Croix-Rouge comme infirmière, on en a besoin. Et puis c'est une couverture qui fonctionne bien en temps de guerre, alors sait-on jamais pour l'espionnage. Elle s'imaginait plutôt matarie, mais bon, s'il faut commencer par ça, soit. Alors elle s'en va faire ses classes d'infirmière à Paris. À l'hôpital, elle reçoit une formation accélérée, basique même, les premiers soins, gérer les blessures les plus communes, les plus urgentes, apprendre à trier les soldats, etc., etc. Elle se fait très vite à ce nouveau rythme, travailler dans l'urgence, dans l'action, réfléchir rapidement et agir plus rapidement encore, c'est pour elle. Et pour sa première affectation, c'est en première ligne qu'on l'envoie sur la fameuse ligne Maginot. Mathilde Carré voulait se trouver au cœur de l'action. Elle ne va pas être déçue. Les combats sont terribles, comme le raconte Henri Amouroux sur TF1. Les Allemands ont attaqué depuis quelques jours la ligne Maginot. Mais voulant épargner la vie de leurs soldats, ils vont agir contre nos fortifications grâce à des pièces de 150 placées parfois à moins de 2000 mètres de l'objectif. Après 70 ou 80 obus. Il arrive bien qu'un obus finisse par percer la carapace protectrice, par crever les cloisons intérieures, par éclater souvent dans les caisses à munitions, rendant alors la reddition inévitable. Mais même lorsque les obus n'arrivent pas à percer les blocs de béton de plus de 3 mètres, on imagine l'impression produite par le choc. Sur le champ de bataille, la jeune femme fait preuve d'un courage remarquable et remarqué. Et c'est l'une des dernières à quitter le front, car la débâcle l'oblige, elle, comme tous les autres, à fuir. Le hasard la porte jusqu'à Toulouse. Son arrivée dans la ville rose marque un tournant dans son destin. Les rencontres, Mathilde Carré a le don de les provoquer. On l'a vu avec l'officier du renseignement polonais. Et en septembre 1940, quelque temps à peine après son arrivée à Toulouse, elle se retrouve en tête-à-tête avec Roman Czernowski, nom de code Armand, membre du contre-espionnage polonais. Avec lui, la jeune femme découvre le monde de la résistance. Elle y entre comme elle est, de la seule façon qu'elle connaisse, entièrement, totalement. Est-ce parce qu'ils entament une liaison ou simplement à cause du pouvoir de persuasion de Mathilde ? Toujours est-il qu'Armand raconte tout à la jeune fille. Oui, son rôle en France, les ambitions de son gouvernement, ses liens avec le renseignement britannique dans la lutte contre les nazis. Mathilde découvre ainsi qu'après l'invasion allemande, une partie du gouvernement et des militaires polonais se sont enfuis en Angleterre pour continuer la lutte. Or, cette lutte repose principalement, et en ce début de conflit, sur la récolte d'informations initiées depuis Londres et en général par les amateurs, comme l'explique l'historien Sébastien Albertelli sur France Culture. À Londres, le général de Gaulle a eu pour ambition de créer un État concurrent de celui de Vichy, donc il a créé lui-même extrêmement progressivement. En 1940, il n'a pas créé des services secrets, il a créé ce qu'on appelle un deuxième bureau d'état-major, c'est beaucoup plus modeste, mais le but est bien le même, c'est d'aller chercher des renseignements. Et cela dès l'armistice, c'est justement... Le 1er juillet 40. Oui, donc c'est vraiment tout de suite après. Extrêmement proche. En fait, c'est essentiellement lié à la disponibilité des hommes. Il n'avait personne avant qu'il pouvait nommer à la tête du deuxième bureau. Donc ce qui est important, c'est de voir que tous ceux qui vont structurer le BCRA sont des amateurs complets, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont eu un rôle dans les services de renseignement avant la guerre, et pour beaucoup d'ailleurs, ils n'auront pas de rôle majeur dans les services de renseignement après la guerre. Et c'est dans cette dynamique qu'en novembre 1940, Roman reçoit l'ordre de monter à Paris pour construire un réseau en zone occupée destiné à informer les services secrets anglais, le SOE, sur plusieurs points stratégiques concernant les Allemands. Leurs mouvements, leurs dépôts de matériel, les lieux de stationnement de leur personnel. Le Polonais accepte et il emmène Mathilde qui tient là sa chance. D'autant qu'elle s'avère particulièrement douée pour ce genre de travail. À eux deux, avec Armand, ils construisent ainsi, petit à petit, ce qui deviendra l'un des plus gros réseaux de la résistance française au début du conflit, le réseau interallié ou F2. Elle dira « Le monde entier et la victoire du monde semblent être dans nos mains ». Le fonctionnement du réseau repose sur l'utilisation d'un poste de radio-émetteur, très rare et recherché donc à l'époque, installé dans une villa, la villa Léandre, vers la butte Montmartre. Les informations récoltées par les membres du réseau sont donc transmises aux Anglais, après avoir été codées sous la forme de messages secrets. Des réponses sont ensuite diffusées sur la BBC, notamment dans l'émission « Les Français parlent aux Français » ou « Messages personnels ». Ici Londres. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile silence repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Le gigot est cuit. La bibliothèque est en feu. Nous disons, la bibliothèque est en feu deux fois. Il y a du mieux, camarade. À ce petit jeu-là, Mathilde, alias la chatte ou Victoire, est particulièrement performante. on a presque l'impression que plus c'est dangereux, mieux elle s'en sort. Elle parvient ainsi à récolter des renseignements aussi courageusement qu'à recruter de nouveaux membres. Et grâce à son travail, à celui d'Armand bien sûr, le réseau interallié prend rapidement de l'ampleur. Trop rapidement peut-être. Fin 1941, le réseau compte près de 250 agents dans toutes les régions. Avec l'arrivée constante de nouveaux résistants, peu ou pas vérifiés, peu ou pas formés, la prise de risque est de plus en plus importante. Et malheureusement, un soir, un rouage de la machine fait tout basculer. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil. Cherbourg, octobre 1941. Le réseau interallié possède ici une agent, Marie-Thérèse, qui récupère des informations capitales concernant les mouvements de navires allemands dans le port. Elle transmet un rapport à Armand et Mathilde, trois fois par mois, via un docker et un agent de liaison. Mais le docker, récemment intégré au réseau, n'est pas aussi précautionneux qu'il devrait l'être. Un soir, dans un bar, après quelques verres, il se met à parler. Il raconte ce qu'il fait, les services qu'il rend à la résistance. Peut-être qu'il parle juste un peu trop fort, juste un peu trop longtemps. Mais ce qui devait arriver arrive, un espion allemand présent dans le troquet entend notre docker et l'arrête. Et c'est le début de la fin pour le réseau interallié. Sous l'impulsion d'un jeune et ambitieux militaire allemand prénommé Hugo Bleicher, une chaîne dramatique s'enclenche. Arrestations, menaces, tortures, dénonciations. Le docker balance agent de liaison, qui balance Marie-Thérèse, qui finit par parler d'Armand, et il ne faut pas longtemps aux Allemands pour remonter jusqu'à la ville à Léandre et les médias radio. Alors qu'Armand et Mathilde, accompagnés de nombreux membres d'Interalliés, sont réunis dans la villa pour fêter bien imprudemment le premier anniversaire du réseau, les Allemands encerclent la maison et se rapprochent silencieusement. La scène est reprise dans le film de Bernard Blier, sorti en 1960, intitulé « La chatte sort ses griffes », tiré de, bien sûr de l'histoire de Mathilde Carré. Ah, c'est pas trop tôt. Depuis le temps qu'ils nous l'annoncent, chrysanthèmes, délices, des dahlias. Une vraie boutique de fleuristes, notre réseau. En à peine quelques minutes, tout le monde est arrêté. Tout le monde sauf Mathilde. Un hasard, une sacrée chance en tout cas. Car si elle était bien au dîner, elle est partie avant l'arrivée des Allemands. Pourquoi ? Par jalousie. Oui, parce que Armand a une nouvelle maîtresse, Renée, qui a intégré le réseau et qui s'est installée dans la villa. Pas question donc pour la chatte de traîner plus longtemps. Mais c'est un sursis qui ne dure pas. Car Hugo Bleicher, le jeune officier de renseignement allemand à l'origine du coup de filet, n'en a pas fini avec le réseau résistant. Certes, il a fait un beau coup en capturant et en enfermant Armand. Mais il sait que le Polonais n'était pas seul à la tête d'un terre-allié. Non, il a entendu parler d'une femme, aussi dangereuse qu'importante pour le réseau. Une femme aux yeux de chat. Et il veut mettre la main sur cette nouvelle Marie Octobre. Ironie du sort, c'est René, la rivale de Mathilde dans le cœur d'Armand, qui va la dénoncer. Arrêtée, elle a accepté d'aider Hugo Bleicher à identifier des résistants, dont Mathilde. Extrait du film La chatte sort ses griffes. C'est elle ! C'est la chatte ! Qui est cette femme ? Saleté ! Enfin, elle est folle, c'est la première fois Cora, que je vois. Mais ça, vous ne l'avez jamais vu non plus ! Était-elle dans la maison dont vous vous êtes enfouie ? Bien sûr qu'elle y était ! Charles, y était-il aussi ? Charles ! Gustave, Jean-Louis, Marie-Josée ! Taisez-vous ! Prends garde à toi. Mathilde est arrêtée et envoyée à la prison de la santé. Son geôlier, toujours Hugo Bleicher, le bourreau du réseau. Et elle craque au bout de quelques heures d'interrogatoire. Quelques heures seulement. Mais si personne n'oserait juger de la capacité de chacun à résister à la torture, la promptitude tout de même avec laquelle la résistante chevronnée retourne sa veste et l'application qu'elle met ensuite dans ses dénonciations sont déroutants. Mathilde sort de la santé dans la foulée et s'installe dans une chambre du très chic hôtel Henri VII. Hugo Bleicher, son nouveau responsable, devient alors son amant. Et à partir de ce moment précis, la chatte devient non seulement une Française qui couche avec un Allemand, mais une agent double au service de l'Abwehr, l'un des services de renseignement allemand. L'intelligence d'Hugo Bleicher, c'est de comprendre tout de suite tout le potentiel de la jeune femme. Potentiel d'information pour les renseignements allemands et surtout de nuisance contre les alliés. Si son ancien réseau a subi un coup très dur avec l'arrestation d'Armand et du groupe de la Villa, il reste de nombreux agents en liberté. Et personne ne sait que Mathilde a été retournée. Alors, la méthode est toujours la même. La chatte prend contact avec des résistants qu'elle connaît, fixe des rendez-vous et emmène Hugo Bleicher avec elle pour qu'il identifie, arrête ou fasse suivre les personnes en question. L'Allemand lui donne aussi parfois des consignes, des pistes à suivre. Voici comment Bernard Blier représente la scène dans La chatte sort de ses griffes. Il va falloir que tu sois très adroite, très courageuse et que tu mouilles surtout. C'est promis. Bon. Demain matin, tu iras te promener du côté des pantins. Je vais t'expliquer où. Un convoi a été endommagé par une explosion. C'est le sixième. Tu pourras peut-être trouver une piste. Dans un deuxième temps, Bleicher décide d'utiliser Mathilde pour communiquer avec le contre-espionnage anglais grâce à l'émetteur radio du réseau. L'idée est autant d'obtenir de vraies informations que de lui en fournir de fausses. On dit « intoxiqué » dans le jargon. Or, évidemment, la chatte connaît les codes d'identification des messages radio, puisque, avec Armand, elle a participé à leur fabrication. Ainsi, pendant deux mois, le double jeu de Mathilde continue. Elle récupère les renseignements auprès des alliés, les transfère à Bleicher, qui lui donne ensuite de fausses informations concernant les stratégies allemandes à transmettre à Londres. Certes, les Anglais sont prudents, sceptiques même, face au message de la chatte. Parce que depuis l'arrestation du groupe de la Villa et les dénonciations en chaîne, tout le monde sait que le réseau interallié a été compromis. Mais quand même, ils doutent. La chatte n'est pas n'importe quel agent, elle est importante. Elle a fait la guerre à Maginot, a créé un réseau de résistance. Elle a été en couple avec Armand, un autre grand nom de la résistance. Elle s'est toujours battue contre les Allemands. Bref, elle reste crédible. Suffisamment en tout cas pour induire en erreur les renseignements britanniques à propos de l'évasion de Brest de trois croiseurs allemands, par exemple. Ce qui va changer la donne, c'est la rencontre en décembre 1941 de Mathilde avec un agent du SOE, parachuté en France quelque temps auparavant, Pierre de Vaumécourt, nom de code Lucas. Ah, c'est vous la chatte. Allumez votre lampe et tournez-la contre votre visage. Vous avez maigri depuis les photos qu'on a montrées à Londres. Venez. Seul. Tonio a été tué. Et les autres? J'ai pas pu les prévenir. L'homme avec qui je suis en contact est absent de Paris. Mais vous pourrez venir chez moi en attendant. Dans le cadre de son réseau Togiro, Pierre de Vaumécourt, ou Lucas donc, a besoin d'un émetteur radio. Et c'est parce qu'il a appris que la chatte est encore en possession de ceux du réseau interallié qu'il a souhaité la rencontrer. Pour Hugo Bleicher, l'arrivée de Vaumécourt, c'est du pain béni. Grâce à Mathilde, l'officier allemand peut avoir accès à des renseignements de première main. Alors Bleicher encourage la relation entre la chatte et Vaumécourt. Autrement dit, il aide la jeune femme à aider l'anglais afin d'obtenir en retour de nouvelles informations en provenance des alliés. Mais l'ambitieux officier allemand va faire une erreur, toute simple et pourtant si évidente. Il se met à faire confiance à Mathilde, vraiment confiance. Il oublie à qui il a affaire. D'autant que quelques semaines après leur rencontre et le début de leur liaison, Vaumécourt comprend que la Française ne joue pas franc jeu. Parce que elle obtient tout comme ça, très vite, trop vite. Comme ses faux passeports qu'il lui a demandé pour d'autres agents du réseau et qu'elle rapporte sans aucune difficulté. D'ailleurs, ce sont de vrais passeports. Et tout ça est trop beau pour être vrai. Obligée de s'expliquer, mise au pied du mur, Mathilde lui avoue alors être un agent double. Mais elle le convainc de la laisser travailler pour les renseignements anglais. Elle deviendrait alors un agent triple. Vaumécourt pense qu'elle peut effectivement apporter des informations importantes au SOE. Dans la nuit du 27 février 1942, le couple part pour Londres avec la bénédiction de Bleicher, qui pense que la Française va infiltrer les services secrets britanniques pour le compte des Allemands. La situation se complique encore plus quand, en juillet 1942, Mathilde est arrêtée par les Anglais sur ordre du gouvernement français. Et c'est peu dire qu'elle s'offusque de cette situation, comme en témoigne une lettre qu'elle envoie alors directement au gouvernement de Sa Majesté. Je suis seule, étrangère. Je ne sais qui voudra avoir un peu de bienveillance et d'humanité et étudier mon cas. En quoi suis-je coupable? Après plus d'un an de travail acharné, et avec quel résultat? J'ai été arrêtée par les Boches, et entre leurs mains, un vulgaire instrument. J'ai été l'appât composé dans un café, dans un appartement, entourée d'un service de la Gestapo. Où suis-je coupable? Qui aurait fait mieux avec la menace et le chantage quotidien des Boches? Je n'ai cru faire que pour le mieux. Je vous supplie d'y penser un tout petit peu, et de ne pas me laisser en prison. Oui, calmement, je vous dis que j'y mourrai. Mathilde Carré est emprisonnée en Angleterre jusqu'à la fin de la guerre. Elle est transférée en France le 1er juin 1945 et reste incarcérée jusqu'à son procès en janvier 1949. Accusée d'intelligence avec l'ennemi, elle conteste les accusations de trahison. Enfin, comme elle le déclamait déjà dans sa lettre aux Anglais, elle a fait au mieux au vu des circonstances qui étaient les siennes. Elle aurait donc essayé de limiter la casse, en quelque sorte, et au diable ceux qui pensent que ce n'était pas assez. Une partie de sa défense repose aussi sur son passé de résistante, rempli de faits d'armes admirables et incontestables. Ça, personne ne pourra me l'enlever, se dit-elle. Certains viennent rappeler en effet ce passé héroïque, ou ils ne sont pas nombreux, mais quand même, Le commandant Léon Simoneau, par exemple, des services français, témoigne dans un courrier au juge le 5 novembre 1945 et il dit « Grâce à Madame Carré, l'ordre de bataille ennemi a pu, pour l'ensemble du territoire français occupé, être suivi au jour le jour. » Une synthèse du War Office, l'Office de la guerre des Britanniques, est aussi présentée aux jurés. Document dans lequel les rapports du réseau interallié, cofondé par Mathilde, constituaient une source inestimable, la meilleure source d'information militaire en France. Après un silence, alors qu'on lui demande si la chatte a semblé manifester un désir sincère de se racheter, Pierre de Vaumécourt, l'agent du SOE anglais, répond « Oui, dans l'ensemble, je crois que je le dirai. » La plaidoirie de l'avocat de Mathilde, Maître No, vient conclure les débats comme il se doit. Souvenez-vous-en, messieurs les jurés. Quelques-uns de ceux avec qui la chatte a travaillé ont été assez forts pour jouer un double jeu avec les Allemands. C'est parce qu'ils étaient des professionnels du jeu, de l'espionnage. Mathilde Carré n'était qu'un amateur. Et elle a témoigné des faiblesses de l'amateur engagé dans un jeu terrible. Je plaide coupable, certainement. Mais je demande pitié pour cette femme qui s'est crue plus forte qu'elle ne l'était et qui s'est trouvée placée devant ce dilemme, vivre ou mourir. Quand elle eut commis sa première erreur, elle était perdue. Elle était compromise à tout jamais. Pourtant, vous ne devez pas oublier qu'elle fut une des premières héroïnes de la résistance naissante. Je vous supplie d'épargner la vie de cette femme qui, pendant des années d'héroïsme, n'a connu que 2 mois de faiblesse. Mais le soi-disant amateurisme de Mathilde et ses années de résistance n'y change rien. Non, personne, ni les jurés, ni les Français, n'est prêt à pardonner, personne, voire à comprendre. Alors, la chatte est condamnée à la peine de mort. Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité, puis réduite à 20 ans. Le 7 septembre 1954, après 12 ans de détention en Angleterre et en France, elle est libérée pour raison de santé. Elle passe le reste de sa vie à Paris, dans l'anonymat, avant de s'éteindre en 2007 à l'âge de 98 ans. Une très longue vie, que la chatte a sûrement trouvée fade et ennuyeuse, elle qui disait voir presque un plaisir sensuel dans le danger. « Votre corps tout entier semble prendre vie, soudainement, disait-elle. » Voilà peut-être la clé de l'énigme Mathilde Carré. Un besoin viscéral d'adrénaline pour se sentir vivante. Peu importe au profit de qui, au détriment de qui, et peu importe les conséquences. Il faut juste prendre vie, soudainement. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Gounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te voilà. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Mathilde Carré, surnommée La Chatte. Notre invité, Jean-Christophe Notin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Mathilde Carré alias La Chatte, de la résistance à la collaboration et retour. C'est vrai qu'il y a des allers-retours. Un livre paru en février dernier aux éditions du Seuil. D'abord, et peut-être que les auditeurs et les auditrices se sont posé la question tout au long du récit, mais enfin, pourquoi ce surnom La Chatte? Bon, au-delà des yeux de chat, peut-être un peu court. Alors, on n'a pas vraiment l'origine exacte, mais enfin, tout le monde s'est retrouvé en tout cas. Ce sont des Américains qui l'auraient vue à Vichy, où elle était passée avec les services de renseignement français. Et elle a une manière de se lever dans les canapés, une manière de se tenir, ses yeux également, comme vous avez dit. Et donc le surnom est resté, il a été repris par tous les services, allemands, anglais, tout le monde l'appelait La Chatte. Alors, pourquoi ce livre, déjà, qu'est-ce qui, dans cette histoire, vous interpelle? Parce qu'après tout, des histoires de résistantes et de résistants, il y en a beaucoup. Pourquoi celle-là? Alors, on atteint quand même avec elle le summum à la fois de la résistance, de la trahison et de l'aller-retour. C'est ça qui est fantastique. Ça a été un très grand agent de la résistance, un très grand agent double, un très grand agent triple, voire donc quadruple avec Vichy. Donc, c'est quand même un destin unique. Et il se trouve que les archives se sont ouvertes assez récemment, que ce soit en Angleterre, en France, ce qui permet vraiment d'avoir un point de vue maintenant tout à fait complet et d'enlever à peu près tous les mystères sur Mathilde Carré. Les archives anglaises, vous avez pu les consulter donc sans problème. Le MI5, MI6, le SOE, bien entendu, et les services donc français, que ce soit les services secrets français, la justice, très gros dossier de justice, bien entendu, du procès, avec de très très belles pièces. Alors, c'est assez complexe d'arriver à dire pourquoi elle a trahi et trahi encore. Qu'est-ce qui, d'après vous, a motivé ces actions? Alors c'est le cœur de l'histoire, le cœur du problème. Alors c'est-à-dire l'énigme principale de Mathilde Carré, mais vous l'avez fort bien résumé en conclusion. C'est un ego énorme. Elle a besoin d'exister et elle existe dans le regard des autres. Donc ça a commencé très jeune. Ses parents la laissent en fait en pension. Elle a très très mal vécu d'être très loin de ses parents. Mmh. Et manifestement, elle a toujours cherché à se grandir dans leurs yeux. Donc elle a voulu être une très grande pianiste. Ça a raté. Elle a voulu être une très grande écrivaine. Ça a raté. Arrive la guerre, comme vous le dites. Elle se dit, ça y est, c'est mon destin, arrive, je vais être une grande espionne. Elle arrive, grâce aux Polonais, à devenir cette grande espionne. C'est vrai, elle est une très grande agente de résistance. Mais arrive donc cette arrestation, pour laquelle elle n'est relativement pour rien, la chute du réseau. Elle se dit là, bon, ben, qu'est-ce que je vais devenir? Et Bleicher lui sert sur un plateau, mais écoutez, madame, vous allez devenir une très grande agent double. Et là, vraiment, une bascule. Vous savez, c'est la manipulation dans les services. Chercher le point faible dans la personnalité de la... Bleicher a cette intelligence noire de détecter cette faille de l'ego, de l'orgueil. Et il se dit, avec elle, je vais atteindre mon maximum. Et donc, il l'a pas torturée. C'est une torture un peu, sans doute, psychologique. Il lui a sans doute dit, bon, vous allez pas travailler, vous allez y passer. Mais on l'a par le récit elle-même de Mathilde Carré. Elle dit, j'ai été très bien reçue, ils m'ont donné à manger en prison, j'ai été très bien traitée. Et donc, Hugo Bleicher va jouer sur cette corde. Et donc, elle va devenir un agent double. Et de la même façon, quand Vomicourt arrive, en fait, elle arrive au bout du rouleau, si j'ose dire, de l'agent double. Vomicourt lui sert sur un plateau. Et bien, écoutez, vous allez redevenir une grande agent au service des alliés. Et hop, ça rebascule de la même façon. Ça veut dire que c'est une aventurière qui n'a pas de préoccupation idéologique. On dirait sans foi ni loi. Oui, c'est ça. Si ce n'est qu'après, après en prison, va lui tomber dessus le mysticisme. Elle va là aussi vouloir devenir une très grande convertie. C'est toujours très grand avec Mathilde Carré. Donc elle va écrire une biographie de Marie. Elle va rentrer dans les ordres. Elle va être chassée des ordres parce que justement cette question d'orgueil et donc terminer sa vie toute seule. C'est le destin de cette faille d'orgueil maximale. Heureusement qu'elle n'a pas travaillé dans les médias. Ah, mais peut-être une opportunité. Alors. Finalement, ils sont amants avec Bleicher. Ah, sans aucun doute. Parce que, voilà, c'est une femme libre où elle se dit, ça va me rendre service. Alors, elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle a toujours dit, elle a même, à vrai dire, dès le premier soir, pour dire les choses crûment, elle couche avec Hugo Bleicher, elle dit, il m'a violée. dans mon interprétation, je ne pense pas. Évidemment, elle cherche à se dédouaner, c'est tout à fait compréhensible. Dans la psychologie de Bleicher, une fois de plus, il joue sur son orgueil. Il n'a pas du tout intérêt à la violenter. Il a besoin d'elle d'en tirer le maximum. Et au contraire, en fait, en couchant avec elle, il veut lui prouver que c'est une grande séductrice, une grande femme. Et ça joue à merveille. Mathilde Carré va le croire jusqu'à la fin de sa vie que Hugo Bleicher était complètement tombé amoureux d'elle. Mmh. Alors qu'en fait, parallèlement, il a une aventure avec une Française. Et il lui fait croire pendant X mois que pour Mathilde Carré, il a lâché sa Française, il ne veut plus la voir, il a organisé tout un tas de scènes dans Paris, de ruptures, etc. Il y croit, alors que c'est complètement faux. Il est resté avec cette Française jusqu'en 45. C'est là aussi une manipulation fantastique. Oui, déformation professionnelle. Exactement. Fusionne les deux, en fait. Les conditions de son arrestation en Angleterre, elle est arrêtée en Angleterre, c'est la France qui ordonne son emprisonnement. Pourquoi ? C'est pas clair. Alors là aussi, c'est ce qu'elle a dit, parce qu'on ne lui a pas expliqué, à vrai dire. Elle est persuadée que ce sont les gaullistes qui lui en veulent, parce qu'elle n'est pas du tout gaulliste. Bon, vous savez, dans les services, dans les réseaux, il y a eu tout un tas de tendances, donc il n'y a rien de très répréhensible à ça. En fait, non, c'est les Anglais qui l'arrêtent, parce que d'abord, ils savent, ils ont compris que c'est une agent double, enfin, qui a été agent double. Vomicourt l'aura au service des Allemands, notamment. Mais il se trouve que Vomicourt, lui, repart en mission. Ça a été d'ailleurs le grand drame de Mathilde Carré. Elle ne comprend pas pourquoi d'Angleterre, elle n'est pas renvoyée en France. Donc Vomicourt retourne faire son travail. Et les Anglais disent, tant qu'il y retourne, on peut pas la laisser en circulation. Donc, il l'arrête. Mmh. Nonobstant le fait que Czernieski lui-même, qui a été arrêté parallèlement par les Allemands, a été relâché. Armand. Et lui aussi, en fait, est agent double. Ouais. Il est relâché par les Allemands en disant oui, je vais travailler avec vous. Sauf que lui, évidemment, il va à Londres, il dit aux Anglais ça y est, moi aussi je suis agent double. Et Czernieski est une des pièces essentielles de Fortitude. Donc faire croire au débarquement, donc c'est une pièce essentielle. Donc tant que le débarquement n'a pas eu lieu, Mathilde Carré devait rester en prison. Fortitude avec les chars en plastique. Oui, c'est notamment une histoire extraordinaire. Absolument extraordinaire. On se retrouve dans 3 minutes, on va écouter 4 fois These Days. These days I sit on constants, count the time. mountain. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. France Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, l'histoire de Mathilde Carré, dit la chatte dont nous parlons avec Jean-Christophe Dautin, puisque vous avez écrit la bio de Mathilde Carré, alias la chatte de la résistance à la collaboration et retour, un livre paru en février dernier aux éditions du Seuil. Y a-t-il une possibilité selon laquelle, finalement, tout au long de la guerre, et avec ses allers-retours, elle n'ait travaillé que pour Vichy? Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle, en fait, donc, elle a bien été agent quadruple, puisqu'elle a travaillé avec le polonais, donc avec les services polonais, en alimentant Vichy. Ce qui, évidemment, ne se fait pas. Vous travaillez dans un service, vous n'allez pas alimenter l'autre. Donc, c'est certain qu'elle a travaillé pour Vichy. Est-ce qu'ensuite, ce lien a été maintenu? Non. À partir du moment où elle a été agent double, ce lien est rompu. Mmh. Et comment dire, là aussi, on voit les officiers de Vichy qui, au procès, sont très gênés parce qu'elle a rendu des services incontestables à la résistance. Mais incontestablement, elle est passée de l'autre côté. Est-ce que vous parlez du procès, justement? J'imagine que dans l'Assemblée, beaucoup doivent être assis sur une punaise. Hein, c'est-à-dire pas à l'aise, quoi, quel que soit le camp. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Qu'est-ce qui vous a interpellé? De manière anecdotique, son attitude, c'est quand même extraordinaire. Voyant les, comment dire, parce qu'elle, comment dire, elle a alimenté un mensonge pendant donc 7 ans, de 42 à 49, disant j'ai été agent double, mais en fait j'ai préservé la résistance. Évidemment, c'est le drame de ceux qui ont choisi la collaboration. La guerre se termine. Évidemment, c'est pas son camp qui ont gagné. Donc, ceux qu'elle a envoyés dans les camps reviennent, ouais, et témoignent. Ils disent non, elle nous a trahis. C'est scandaleux. Elle a une attitude également pendant les arrestations qui est assez scandaleuse. Et alors, on voit Mathilde Carré avec un détachement complet, se moquer d'eux, mâchouillant son chewing-gum, avec donc une absence absolue d'aucun remords, aucun regret. Ces gens-là, c'est grosso modo ce qu'elle a dit, ils méritaient leur sort. Elle a même dit à certains, mais finalement, je vous ai envoyé dans les camps, vous avez passé quelques temps en prison, de quoi vous plaignez, hein? C'est quand même extraordinaire. Sur un personnage comme ça, ça en dit long sur l'âme humaine. Hein. Après, sur le fonctionnement des services, le procès apprend pas grand-chose, parce qu'en plus, tout ça est couvert par le secret, il y a encore l'affaire de Fortitude, les Anglais ne veulent pas tout dire, ils ne veulent pas dire que Czarnacki, finalement, ça a été un des rebondissements du procès sur lequel a essayé jouer l'avocat Alberto, disant, mais Czarnacki aussi, regardez, ça a été un agent double. Oui, mais justement, on a le sentiment que ces faits d'armes, du bon côté, ne pèsent pas, et dès le début. Non, ça c'est la fatalité quand même. Mais hélas, parce qu'une fois de plus, comment dire, que quelqu'un trahisse, ça peut se comprendre. Ça, c'est une pression, une torture. Mais il faut voir comment elle a trahi. Oui, avec promptitude. Avec promptitude en quelques heures. Et puis, contrairement à ce qu'elle a dit, avec volonté. C'est-à-dire que des fois, arrivée dans des scènes, elle disait à Hugo Blacher, mais attendez, vous en oubliez un. Hein, lui aussi, il faut le ramener, il faut l'embarquer. Alors que il avait réussi. Pousse au crime, quoi. Oui. Donc, c'est quand même une sans vergogne. Enfin, ouais. Un personnage comme ça. Ça peut être. Alors, c'est ce que vous disiez fort bien également en introduction. L'incarnation de la femme, de la traîtresse. Alors, justement, du mal absolu. Parlons-en de son statut de femme. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le jugement de la cour d'assises, des jurés et des juges? Alors, à votre avis, si ça avait été un homme, le verdict aurait été le même. Mm-hmm. Ce qui est certain, on voit dans les recensions de la presse que ça a beaucoup, beaucoup joué. Ils ont évidemment beaucoup joué là-dessus, là, parce qu'il y a également toutes ces coucheries, toutes ces aventures. Hein. Ça, la femme libre en 49, ça passe pas du tout. Donc, parce qu'elle a donc la Pauline Dubuisson le sait très bien. C'est un fait divers qui met en scène une femme, effectivement, qui a eu une relation avec un Allemand, peut-être plusieurs, qui prend perpétuité pour un crime passionnel qu'elle commet plus tard. Parce que, quelle horreur, elle a osé vivre sa vie comme elle l'entendait. Et voilà, ouais. Et ça passe pas du tout. Une fois de plus, elle couche avec Hugo Blacher. Hugo Blacher est son amant, mais Pierre de Vaumécourt est aussi son amant. Czarnacki est vraisemblablement son amant, malgré ce que les deux ont dit. Donc évidemment, ça a joué forcément contre elle. Ouais. À quoi ressemblait... Alors, avant cela, elle passe quand même de la peine de mort, puisqu'elle est condamnée à mort, à la perpétuité. Finalement, à 20 ans, elle en fait 12, plus les années quand même qui sont comptabilisées, anglaise. Les années anglaises. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que finalement, je ne veux pas dire qu'elle soit encore en vie, parce que c'est pas le cas, mais qu'elle était en vie très longtemps finalement. Comment elle s'en est sortie ? C'est le... Autant les années de l'immédiate après-guerre sont à la répression, il faut châtier tous ceux qui ont trahi. Mmh. Autant les années s'espaçant, on voit de manière générale, c'est pas que pour Mathilde Carré, nombre de ceux qui ont pu collaborer ont bénéficié de remises de peine, de grâces. Déjà, on n'exécutait plus les femmes, je crois que la dernière, c'est en 49. Et donc, ça rentre dans un processus logique. Bon, contraire, alors là, ça a alimenté tout un tas de fantasmes. On a dit, oui, on l'a libérée parce qu'elle avait justement été un agent, en fait, toujours au service des alliés. En fait, non, pas du tout. C'est dans l'air du temps. Et donc, elle est libérée dans le milieu des années 50. On connaît beaucoup l'histoire de Matahari. Enfin, tout le monde connaît Matahari. Tout le monde ne connaît pas Mathilde Carré. Pourquoi, à votre avis? Alors ça, c'est une bonne question. Je remercie. Bon, Matahari déjà est morte pendant de ces faits, je dirais. Après, il y a le personnage de Matahari aussi, qui s'effeuillait dans les cabinets, dans les cabarets parisiens. Ce que d'ailleurs lui reprochait fortement Mathilde Carré. Elle disait, moi, je veux bien être une Matahari, mais hors de question que je m'effeuille. Je veux être une super Matahari. Vous allez voir, je vais duper tout mon monde. Et donc, ça c'est. Alors, il y a l'aspect tout à fait néfaste de plus qu'elle a quand même trahi une centaine de personne. Et l'air du temps, une fois de plus, c'est pas du tout encensé mettre au pinacle ce genre de personnage, bien qu'elle ait été l'objet donc de trois films. Tiens, à ce propos, on a vu nous le film de Bernard Blier. Quel regard vous portez artistique sur ce film? On s'est compris. Alors, le premier se laisse voir. Avec d'ailleurs la scène finale où Mathilde Carré meurt fusillée, que l'on peut en fait retrouver dans l'Armée des Ombres. Mais manifestement, De Coin s'était inspiré de Kessel, qui est à l'origine, de l'Armée des Ombres. Mmh. Bon, picturalement, scénaristiquement, c'est assez... C'est assez, comment dire, enfantin. Oui. Y a-t-il beaucoup de femmes comme ça aussi importantes que Mathilde Carré à cette époque en collaboration ou en résistance ou les deux? En résistance, il y a des figures magnifiques. Marie-Madeleine Fourcade, ouais. Lucio Braque, il y a des très très grands noms de résistantes françaises. Oui, mais je disais les deux plutôt, voilà. Mais alors, qui est un parcours comme ça? Non. Dans ce volume de méfaits, je n'ai pas trouvé. Et dans ce caractère, une fois de plus. Des projets d'écrire un autre livre autour de la résistance? De la résistance, vraisemblablement. Être un grand résistant, fort méconnu, qui a été à l'origine d'un certain nombre de techniques de clandestinité pendant la Seconde Guerre, et qui est mort, hélas... Et fusillé, il a été coincé par les Allemands, exécuté, mais qui avait fait des coups fantastiques, et très très très méconnu, ça va être l'occasion de lui rendre hommage. Vous voulez vous spécialiser dans les récits de guerre, de la Deuxième Guerre, qui sont passionnants, hein. Nous on en raconte beaucoup, justement, parce que plutôt c'est... le domaine des services secrets, de manière générale. Plutôt les services secrets, d'accord. Bien, je vous remercie, Jean-Christophe Notin. Je rappelle votre livre, Mathilde Carré, alias La Chatte de la Résistance à la collaboration et retour. Donc, il est paru en février de cette année aux éditions du Seuil. Voilà, merci. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Mathilde Carré sur Demain la Chatte. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.